Il essaye de tirer Guillemot à l'âge de 77 ans. Évidemment, on a vu toute la pluie. Dommage que la colonie de journalistes sportifs ont fait à Tiggy Aymon. On sait que ça a été un des collaborateurs de la première heure de DanRadioSport.com jusqu'en 2013. Et le 28 décembre 2010, je l'appelais pour discuter du monde du sport en 2010, et également de la sortie du livre de 110% qui, à l'époque, avait quand même fait couler beaucoup d'angles. Donc, on écoute cette entrevue très drôle avec Tiggy Aymon du 28 décembre 2010. Parler du livre de 110%, on va commencer à parler un peu de sport. C'est quoi l'histoire? Ouais, tu te séparais avec Jacques Thériault? Je l'ai même pas lu. Je vais te le dire, après deux, mon chauffeur Renault m'a dit deux petits chapitres. Puis, la première affaire, quand Poulet est arrivé à la conférence de presse, je trouvais qu'il était bien, bien drôle. Il se tenait loin de moi. J'ai dit, ouais, puis c'est ça qu'il doit encore rentrer. Parce que ça, Renault m'a fait une seconde, ça arrête ça. OK. Mon chauffeur est arrivé. Bon, comme ça, là, il est. Mon chauffeur est arrivé, mais pour moi, il n'y avait pas ce chapitre-là. Ça, je regarde. Il dit Jacques Thériault dit que tu es bon à part de la. Écoute bien, là, je ne te demande pas. Là. Mm. À part de l'époque de son père, Phil, je connaissais pas en boxe. Écoute bien, là, je te le jure, le cauchemar, là, c'est supposé expert de ces cas-là, je vais te le dire. Il y a une couple d'années, il est venu me voir pour me demander. Comment pesait un mi-moyen? Il ne savait pas que le mi-moyen pesait 147 livres. Okay. C'est le jour où je meurs là. Bon, comme ça, là, j'ai dit, cette fois-là, j'ai dit, Gary Thériault, lui, je sais quoi cette affaire-là, je dis que je connais. Il y a quel domaine, tu m'as dit, dans quelle génération, je suis en bas. J'ai commencé avec mon père, les années 45, 46, puis tu te moyen, Roberto Durand, Fraser, toute la gang, en tout cas. Ouais. Là, tu n'as jamais dit ça. Ah, t'as jamais dit ça, mais c'est marqué dans le livre. En 130 exactement, je me rappelle. Comme ça, c'est correct. Mais j'ai dit, en tout cas, j'ai dit, n'importe quand tu peux essayer à boxe. Si tu vas te poser 100 questions, tu répondras même pas à une. Comme ça, non, j'ai jamais dit ça, en tout cas. Là, la grande pouliche arrive à côté de moi. Là, j'ai dit, écoute bien, là, toi, ton cri, je te dirais pas les mots que j'ai dit, avec ton torchon, là, tu peux aller. J'ai dit, comme ça, Thériault, là, il dit certainement qu'il a dit ça. Il a dit ça, ils sont dit tous les deux face à face. Et d'un des deux qui est menteur. Lui, il dit que c'est pas vrai, puis tu dis que c'est pépé. Puis dans mon livre, il y a deux articles de que je suis en tabernacle, j'ai juste ça, et en tout cas, n'importe quand. Puis le pire affaire, c'est que le poulain, il pense que c'était réellement une étoile de 110. J'ai vraiment un gars, tout le monde me demandait par tout ce qu'il allait, si tu fais ce gars-là, si tu fais ce gars-là, ben tu connais n'importe quel sport, écoute bien, là, c'est pas drôle. Là, qu'est-ce qui arrive après ce bain-là, d'un autre chapitre comme ça? J'ai plus libre, je l'ai donné à mon chauffeur. C'est sûr que je lirai vraiment ce livre-là. Vraiment, c'est sûr. En tout cas, ben là, la semaine passée, j'ai été voir les anciens du Canadien. Ouais. J'ai rencontré Ticoni, tu me vois 7 après la game. Il a dit tous les gars, Gabriel Grégoire, il veut même pas rien savoir du livre. Il dit que c'était un règlement de compte. Il dit plus personne dans tous les gars qui étaient avec lui. Il y a plein de gars qui lui parlaient. C'est toute la bouche. C'est tout bien assez sur un homme. Il pense réellement que. Écoute bien, il est passé de mode, puis il est fini, puis qu'est-ce que tu voudras. En tout cas, comme ça, je ne l'ai même pas lu. J'ai donné le livre à mon chauffeur, puis à lui après quelque part, j'ai dit, viens, il met pas nos émissions. J'ai bien vu que c'était de la. Comme ça, j'ai réglé ça, mais je vais faire un message pour lui. N'importe quand vous les essayez dans le box, vous posez 100 questions, vous répondez par une. Ça, je te le jure. Mais moi, je le dis. Mais ça, c'est le même gars, ça, Jacques Thériault, qui a dit. À 110%, jusqu'à là, soit je me rappelle, Régis, il est venu à un cheveu de traverser le bord. Il y a Régis qui ne connaissait pas la boxe. Écoute bien, il fallait avoir un front de bœuf. C'est là, Régis, je me rappelle. Je dis, Régis, il est souvent à ma droite. Il s'est levé pour traverser le bord pour le planter. Mais là, finalement, il l'a calmé. Et là, j'ai là, il était vieux. Il était du nain, il était les rentes comme Régis Lévesque. Il fait vivre tout le monde en boxe pendant 50 ans. Tu peux même pas savoir ce qu'il faut dire. Puis il dit, je ne savais même pas qu'un boxeur pesait 140 livres et les moyens. T'as du nerf, toi. Mais non, écoute bien. Il y en a qui sont drôles. La plupart des gars, ils connaissent ça, là, ils disent pas. Ben, ça, c'est ben, quand ils l'appellent l'expert de boxe, ça s'est cassé. Tu sais, je t'ai tout fait de rire. C'est pas drôle. Mais moi, je l'ai lu, c'est là. Je vais dire le mot. C'est qui, c'est pas drôle. Je ne savais pas que les moyens pesait 140 livres. C'est l'expert. C'est gueule, Tiggy a lu le livre. Je l'ai lu, le Je ne l'ai livre. pas lu. Ben Qu'est-ce que tu en penses? moi, je vais te dire en affaire, je trouve que ça fait pitié aux journalistes à Montréal parce que c'est troublant juste du sport, là, quand même, là. Tu sais, de voir que ça jalouse, de voir qu'il y a une gang de prima donna, c'est quand. Regarde, il y a des. Écoute, l'autre affaire, c'est que je ne peux pas faire mon frère. Jusqu'à cause, ça soit des éclatants, tu vois, là. Ouais. Le monde qui était là au restaurant, j'ai regardé ma mode. C'était un beau restaurant, tu vois, mais que tiens, voilà, puis il y avait un peu, ça. En tout cas, tout le monde l'a moins. Et à 108, t'as notre meilleur, puis il me faisait rire, puis ça. Puis avec les neufs, puis patente, puis on veut dire qu'à faire regarde la grosse pouliche. Ça pendant 10 ans de temps, par contre, là. J'ai tout que Jacques Villeneuve finirait premier, finirait deuxième. Moi, à chaque fois, je disais qu'il finirait pas à gauche. J'ai eu raison, puis le 13 ans, et c'est moi, je lui disais, c'est un loser, là, c'est votre champion. C'est 13 ans sans gagner, il aura 13 ans là, sans victoire. Comme ça, Hey, on va bon, c'est que tu fais mettre. le temps des fêtes, es-tu pas mal occupé? Oui, j'arrive à Barouette, là, j'arrive d'Ottawa, cette semaine, j'étais chanté à Ottawa. Puis après ça, mais j'ai chanté à Montréal, là, j'ai une couple de fois, j'ai. Qu'est-ce que c'est donc ça? Enfin, j'ai fait une couple d'affaires, mais j'ai eu des offres pour un affaire, puis je vois pas. Allô? Les gars m'appellent, non. Ah non, j'ai chanté là, des trucs faire un goût, tout ça, mais non, j'ai bien de l'action pour ça, pour ici. Je commence avec le groupe Sylvain dans Bravoïns, puis les festivals de country, ça se boucle au bout, au bout, au C'est bout. Il incroyable y a ça. bien de la boxe à part de ça. Il y Ouais. a bien de la boxe, comme ça, puis il n'y a pas de la boxe professionnelle. La barouette dans la boxe amateur, on a des programmes en région, mais pas ici. On a quasiment toutes les semaines, plus de 2 semaines, Mascou, j'ai rendu. C'est incroyable comment les Ben, jeunes, les femmes, tu vois ça, comment les femmes qui boxent. Il Tigui, y a des soirs, les femmes veulent des shows boxeurs. j'ai fait une entrevue avec Bernard Barré. Ben, l'entrevue qui sera. Ben, j'ai fait la revue de l'année avec Bernard Barré de la boxe. Puis Oui. quand on parle de boxe internationale, puis on parle de boxe nationale avec Bernard Barré, j'ai l'impression que la boxe, c'est ici que ça se passe. Mais présentement, c'est sûr. C'est aux États-Unis, à part Pacquiao, là. C'est dans le monde, parce que aux États-Unis, ça devient droppé, surtout depuis que les Noirs ont perdu le contrôle des ceintures poids lourds, c'est rendu, c'est l'affaire des gars en Europe. Il y a quelques pays, des pays latinos, là, comme Porto Rico, Mexique. Mexique, ces pays-là, Très fort en qui ont fait anglais. plus pas D'ailleurs, ici, mais par contre, on est rendu, là, que, écoute bien, il y a de la chaud, là, en fin de semaine, là, d'Hopkins avec Pascal, c'est le show le plus regardé sur Showtime depuis 3 ans. Et Hopkins, c'est un gars d'habitude qui n'appuie pas, je te jure, il n'y a pas de carte d'écoute parce qu'il ne donne pas d'action. Et là, il l'a donné à Québec. Ouais, J'étais bien, bien surpris. ça a été un méchant bon combat de boxe. C'était tout un Ah combat de boxe. oui, c'était bon, c'était bon. Mais pour une raison que j'ignore, Jean, il y avait une grosse avance au début. Mais par contre, quelque chose écrit qui dit vol n'importe quoi, il ne peut pas se péter la tête. J'y vais à ce grand, se faire voler. J'y vais aller bonne nuit aux États-Unis. Éric Herman Lucas. Mugujo, Lennox Lewis, Éric je vais Lucas. t'en nommer. Éric Lucas, ça, je te dis, on s'est fait voler bien plus souvent que l'autre qui nous ont volé. Hey, Oublie ça. mais je veux te parler quand même. Comment t'as trouvé les hommes de coin? Pas fort, hein? Mais il m'a fait toujours affaire avec. Ça dépend. Moi, je trouve que c'est vrai que je n'ai pas compris. Parce qu'à certains moments, j'ai remarqué, il disait à tout le monde, il dit, il lance plus sa droite. Il était 2 rondes, il a pas donné une droite. Moi, je pensais qu'il avait repoussé son mal d'épaule. Là, je sais pas, il est arrivé quelque chose qu'on ne rend pas. Puis quand tu regardais dans son coin, là, il avait les yeux croches, il avait des bouts, je sais pas, il va pas. Mais finalement, à Pascal, il sort avec, souvent, puis ça, tu l'as fait qu'il pétait. Il avait l'air, je sais pas, c'est arrivé. Ben, il va lui demander, il avait quelque chose, je ne sais pas quoi. Il dit qu'il était assez franc pour dire, apparemment, il a dit à Russell Burr que dans la deuxième partie du combat, qu'il voyait mal, et puis il voyait ici, puis il n'était pas capable de les oreilles. Ben, je pense que moi, j'ai parlé avec Jean-Pascal, j'ai parlé avec Bernard Barré, on a fait plusieurs entrevues sur le combat d'Éric Lucas. Puis, à la lumière de ce qu'on peut dire, c'est qu'il a quand même visualisé quelque chose et ça n'a pas arrivé. Puis, les hommes de coin, je pense qu'ils ont un petit peu une part de blâme à prendre aussi, je pense, quoi. Là. Moi, je fais mon gérant d'estrade, là, sauf que. Ben, l'autre, il y a tous les trucs du métier, hein, faut-il dire ça. Ouais. Oui, écoute, ben, moi, je suis pas un amateur d'Hopkins, parce qu'Hopkins, dans mon livre, je te dis, c'est rare qu'il oui, des débatteurs, il y a une existence peut-être président, puis pas avec, parce qu'il a défoncé. Mais par contre, faut-il connaître tes talents, tu c'était un des plus grands cochons venus dans ma vie. Tout. Là, il n'y a pas eu de mauvais rendre des trois cochons le soir avec Pascal, mais d'habitude, c'est les coudes, c'est les coups d'impartie, les coups en arrière de la tête, c'est une pierre, il va partenaire, il connaît tous les trucs. Ouais, ouais. C'est un gars qui est un phénomène, c'est un sens qu'il y a un conditionnement physique. C'est comme un hard go de out, ça, là. Oh. Un page dans le baseball. Ouais. C'est un gars qui est toujours en forme. Ouais. Hey. Il faut qu'il enlève son chapeau. Il peut être ton chapeau pas lui, c'est que ouais, ouais. Le gars, il... Tigui, je vais faire une pause, puis je reviens dans quelques instants. Je vais poser une question que je pose à la plupart des collaborateurs dans le temps des fêtes. OK? Garde-les. OK, ça marche. Voilà, on revient dans quelques instants. On est revenu à danradiosport.com et on a notre collègue Tigui Aymon en bout de ligne. Tigui, si tu aurais trois invités de sport à inviter durant le temps des fêtes pour un party, lesquels t'inviterais et pourquoi? Tu veux dire des invités de sport? Ouais, des invités de sport, là. Trois personnalités de sport que tu invites à un party pour une réception. Pas des chanteurs, là. Des invités de sport? Non, des invités de sport, là. Et moi, regarde encore hier, il m'a téléphoné. Justement, il veut qu'on ait dîner ensemble la semaine prochaine. Mais il veut dire, c'est Serge Chavon. OK. C'est un ami de. C'était toujours des affaires, Serge. C'est un des gars les plus intelligents qu'il a rencontré dans ma vie, les plus petits. Ouais, ouais. Quand il y a 15 ans. J'aime bien Pierre Bouchard, tu me parles d'un gars. Il y en a qui vont c'est des gars fiancés chez nous. Ouais. Ils vont à l'envers. Ah ouais, sympathique. Ils vont, c'est un des gars des parts de party. Mais là. Je l'ai vu l'autre jour. Justement, je l'ai rencontré un jour, il est coach, j'espère, là. Ouais. Avec les anciens Canadiens. C'est ça que j'ai dit, si tu fais ta chaîne victoire, tu vas fêter longtemps parce que, ils n'ont pas trop de misère, ils vont dire quelque chose. Ça se passe à l'époque, le jour, le gars-là, il est en train de fou. OK. Mais ça va faire ça d'un gars de sport, c'est des gars. Brûlant, c'est un gars de party. OK. OK. Mais là, t'es rendu à 5, là, j'en ai demandé 3, là. Hein? Là, je t'en ai demandé. Brûlant, Lambert, ça va, je peux mettre. OK, donc c'est. Ah ouais. Ah, il y en a bien d'autres, là, je vais te dire une affaire. Écoute bien, j'ai fait ça avant chez nous. En le temps, j'étais à Saint-Léonard. Tout le monde de chez nous. Jean Lapointe, Patrick Normand, Patrick des Frères, ça venait tous, Guy Lapointe, tout le monde, là. Les boxeurs, tous, j'ai fait à tout Melio, puis Padouano, puis là. Maurice Vachon, c'est un gars de party, ça avant. Là, il commence à faire l'Alzheimer un peu. Ah oui, ah, OK. C'est un gars de party, ça. Hey, tu parles de lutteur, Édouard Carpentier, j'ai fait une entrevue avec un gars qui a interviewé Édouard Carpentier l'autre jour. Il est mort dans des conditions difficiles, hein. Je veux dire, il était pas mal de ça, là. Moi, la dernière fois que je l'ai vu, là, ils ont fait un film, là, de ouais. les saltimbanques de la lutte. Je te vois, mais là, je me rappelle, j'étais à la toilette, puis tout d'un coup, la porte s'ouvre. Bang! Puis là, je le connais pas. C'est Marcel Servais qui pousse la fraise roulante d'Édouard Carpentier. C'est qui, c'est Marcel? C'est Édouard Carpentier, je l'ai pas reconnu. Là, il était même plus qu'à marcher. Ça a pas faire des pirouettes, là. Il tombait ses chevilles, puis tout, là. Ouais. Il y avait une cheville grosse comme des pattes d'éléphant. J'étais le jeu. Ouais. Là, je savais que c'était un substitut emprunté. Puis, c'est éventuellement, ça. C'est sûr que c'est parce qu'il est mort tout seul. Mais il est mort comme un chien. Comme un chien, puis. Il est mort comme un chien tout seul, puis apparemment qu'il ne s'aurait pas été déroulé. Le corps a pris du temps à être rapatrié à la mort. C'est très clair, mais oui. Ouais. Ah oui, c'est ça. C'est bien ce que je te dis. Mais au-dessus, son fils est en Europe, tout ça, sa femme est morte, puis il est oublié. Lui, avec, Yvon Robert, c'était la première personne dans ma vie, le grand Yvon Robert, c'est la première personne qui disait, ma rappelle le temps, qui disait, la gloire est éphémère. Ouais, ouais. Bon, il l'a connu, cette histoire-là, il l'avait, c'était le plus grand lutteur canadien. Christy, il faisait plus de rien que Maurice Richard. Puis, Maurice Richard travaillait pour lui l'été, il invitait les combats de lutte. Maurice, Yvon, c'était le gars le plus populaire au Québec à une certaine époque. Ouais, ouais. Il avait enfin, il est mort assez découragé. Bon. Hey, Tigui, joyeuse fête, de la santé. C'est la même chose. Beaucoup de santé. Ben oui, on va être dans une boxe, là. Ouais. La dernière fois, je t'avais dit, hein, Grand Saint-Just, non, Pierre de Mers. Ouais, mais de là, c'était court. Pendant que Sébastien Demers, là, ça va être sa carrière achève, j'ai l'impression. Là. Il y avait l'objectif, Sébastien Demers, il y avait l'objectif de faire 100 combats de boxe. Il n'y avait pas mon choix. Saint-Just, là, ouais. Avait toute une bataille, là. Il se bat contre Miranda. Oh. Ça va être peut-être le combat de la soirée, là. Ouais. Ça va être le 19 mars, là. Ouais, ça va cogner, monsieur. Ça passera pas le 4e round. Bon. Ça va tomber sur un bord ou l'autre. Grandeur, c'est un cogneur, on le sait tout. Ouais. Mais Renan, il y a une affaire, personne, tout le monde oublie, là. Contre de Meurs, là, il l'a naqué, il l'a pas naqué, il l'a crucifié en deux rondes. Puis ça a pris trois rondes c'est le gars, il était champion du monde, attend Abraham, pour faire la main, puis il a arrêté de bout. Quand je dis que Demers, il y a deux guns, ben, vous voyez le dire? Pas Demers, Saint-Just, je veux dire. Saint-Just, écoute bien, j'ai remis le temps, son gymnase de boxe, il est soumenu. Comme ça, je te le dis, il y a deux guns. Ah ouais, ouais. J'ai parlé avec Stéphane Larouche, d'ailleurs, puis ça promet pour le dire. En tout cas, regarde, voilà les groupe de boxe, c'est extraordinaire au mois de février. Mon gars est dans ça, Jean-Marc, je suis bien content. Okay. Le 25 février, ça va être la première séance de boxe. Tommy Morrison, là, tiens, il a besoin d'être dedans. En tout cas, il y a des mots du bon boxeur. Je sais que Stéphane Ouellet, dans ton cas, il va avoir des protégés. Tu vas être sa carte. Ouais. Il s'est protégé à lui. Ouais, ouais. J'ai vu Vauquier Alcène, la semaine passée, il va se battre pour eux autres. Les gars l'appellent. David Cadieux, il a appelé. Il va lancer un défi à Jean-François Bergeron. Et ça, c'est un combat-là. Si il aurait fait le 4 ans, il aurait fait la pause. Dans ce temps-là, Bergeron, il était à Bergeron, je pense que son. Cadieux, il était à champion canadien. Tout ça. Bergeron, je pense qu'il a manqué sa shot quand Nicolas évaluait, après le combat contre Valouev, il y avait un certain momentum, puis finalement, il n'en a pas profité de ce momentum-là. Hey, Tigui, joyeuse fête encore une fois. Même chose. Puis beaucoup de santé, puis on s'en parle en 2011. Okay. Merci beaucoup, voilà, notre collègue Tigui. Bonne année. Oui. Bonne année à tes auditeurs. Merci beaucoup. Salut. Okay.